thèmes restent les mêmes, vu que la rue change pas, toujours les mêmes gars en bas des battes. T'es ma, même les schlags sont pédés, le dharma. Le son des zones sensibles, des mecs hostiles. Les hauts galons, des gros sont ensemble, et pris pour cible. Et fils, oui, tu veux que je te dise, oui, je parle de shit, de baisse, de pisse. C'est que ça part en yoku quand on tease, oui, shit jogging basket. C'est comme ça la vitesse, l'envitesse. Les keufs débarquent, garave ton shit en vitesse. Et ouais, c'est sur le bitume que le mental se forge. Pression, escroquerie, baston et plan coupe-gorge. On sait que c'est la merde, mais qu'est-ce que tu peux faire? On fait ce qu'on a à faire à la recherche des billets verts. Là où y'a plus de taf, ça pue grave, ça suce grave. Là où les gars, pour s'en sortir, font mille et une barbe. Chaque classe, car vous, ça part et cherche des thunes graves. Si t'es inconnu dans le bataillon, mec, c'est sûr qu'on plumera. 9-15-2-0, frérot. Avec l'âge, la hache prend de l'âge comme un 12 ans d'âge. La volaille veut picorer nos miettes, nous voir tous en cage. A chacun son assiette, allez vous faire zèbre. Avec les restes, on va construire une forteresse. La rue change pas, donc les thèmes restent. Si tu vois Red Skunk, il aura toujours la même veste. Dans la pénombre, je m'élave avec le démon. Lui dit que je rêve d'oseille pendant que les bouteilles je démonte. Babylone et l'alcool piétine ma foi, étrangle mes rêves, donc ma voix viole vos lois. Ici c'est P38 spécial et uniforme compte. Survêt, basket, tuerie, les gommes, cogne. Mode de vie illégal, sale comme une part. Tous liquides, les boîtes partent. Tous et fait partir les cartes. Nous, en silence, Marianne, on la détourne, boy. Et comme on est des hommes, on lui met 2-3 coups de zone. On vit dans l'ombre, casquette, masque, on regard. Indépendantiste comme les basques, prends garde. 9-4 immatriculé sur les go. Ici la fumée grasse, on fume les holés, les go donnent la gaule. Et ouais, y'a pas de place pour les victimes. Marre de trimer, mes collègues et moi tous en mode crime. Et je fais bélec, y'a trop de jaloux, un jour m'a dit mon pote Salim. Trop de rage et trop de peine nous anime. Peu de vertu, perverti, j'ai une vie sale comme une prostite. Chacun sa merde, et moi j'éclate mon joint de shit. Et puis on m'a fait tchèp, cousin bat chichi. Je veux pas péter un câble en passant, ma vie à faire chi. Ça investit dans les barrettes de Teuchy. Ça vole, ça braque, ça défouraille les chemifies. Faut faire des sous et snatch à vite. Dans mon giro, ça part en yoku comme au nom d'une grosse. Les jeunes frics sont tous accros comme Pookie au crack. Jouent leur vie sur un coup de poker avec des poucaves. Les gaz butent pour du carbure et dans ces cages doutes. Trop de vie sous les capuches, alors bouche cassonne comme cash flow. Illégal, rime avec baron, le sursis un atout. Père au tarot et pelle tarot. Tous vont sous le manteau, des organes au garrot. Des marrons à la gare jusqu'à la vara. Tard le soir, je ramène le diable à la baraque. C'est la strat qui claque mon crâne. Encore heureux que c'est pas le crack qui me traque, man. Car les schlags sont dans un traquenard. Et t'auras que dalle si t'as pas les balles. Pète ses raves. Nouveau critère dans les blocs, mec, c'est grave. Difficile de rester simple, de rester brave. Le système veut faire de nous étapes, même c'est grave. J'ai pas de trier militaire en planque à 9 milli. Mentalité non salutaire comme un fili. Le code pénal, les raclures sans enflure. S'en sert pour rouler leur jointure matinale. De l'autre côté du périph', la France est autre chose. Et on a déjà choisi notre camp à l'heure où on te cause. Ce qui paraît, cité égale insécurité. Nos sapes, nos battes, comment on parle, ça vous fait flipper. Parce que votre putain de bourgeoisie n'est pas VIP. On s'en bat les couilles, on fait ce qu'il faut pour pas se faire choper. Ici c'est la loi du plus vicelard et du plus opé. Du pillon des masses, des clopes, ça y est, négro, j'suis dopé. À manger des miettes tous les jours, ça affûte nos canines. Et les salopes de gens qui sucent pour de la farine dans les narines. Y'a trop de shit, trop de flics, trop de clics, trop de mailles à prendre, trop de mecs à pendre. La vie est trop brutale, y'a pas le temps de faire le tendre. MAL se passe la gold strike que je me détende. J'en place une pour les lascars qui veulent tout fracasser. Qui n'est que la PAC, qui en ont plus cassé, ça se passe. La charte Garcia, la ligne du bus et j'en massé. Là où y'a plus de taf, ça pue grave, ça suce grave. Là où les gars pour s'en sortir font mille et une barbe. Des gros calots, des brouillards posés sur la dalle. Tout suspect, usual au mode de vie illégal. Là où y'a plus de taf, ça pue grave, ça suce grave. Là où les gars pour s'en sortir font mille et une barbe. Chaque lascar veut sa part et charge des thunes graves. Si t'es inconnu dans le bataillon, mec, c'est sûr qu'on plumera. Là où y'a plus de taf, ça pue grave, ça suce grave. Là où les gars pour s'en sortir font mille et une barbe. Des gros calots et des brouillards posés sur la dalle. Tout suspect, usual au mode de vie illégal. Gros calot, débrouillard posé sur la dalle. Tout suspect, usual au mode de vie illégal. Illégal, illégal, mode de vie illégal. Illégal, illégal.